2009. Yeah, yeah. Pour tous les jeunes démunis. Pour la planète entière. Yeah. Écoute, frangin, écoute. C'est l'histoire que je vais vous raconter, poto. L'histoire d'un jeune gamin qui a vécu dans le malheur. Yeah. À faire du... C'est l'histoire que je vais vous raconter, l'histoire d'un jeune gamin qui a vécu dans le malheur. FRG à l'aide du hip-hop résume la vie menée par cet enfant. À peine 4 ans, il est maudit de tout le monde. Ouais, vous vous demandez comment est-ce possible, si ce n'est que ses parents qui lui prédirent un drôle d'avenir. Ce gamin fut placé dans un foyer, condamné à patienter. Il ne pensait qu'à sa liberté pendant ses années de foyer, il ne pensait qu'à s'évader. Un choix cruel pour un enfant de tel âge, à 8 ans, ses parents le récupèrent par la malchance. Il se conduit comme de peste, même par toutes ses bêtises. Ce n'est qu'une justice, ce n'est qu'un enfant, c'est normal qu'il fasse des bêtises. Ses parents le laissaient enfermé à la maison alors que d'autres enfants dehors jouaient. Vous vous demandez alors ça fait quoi, ceux qui ont pratiquement eu la même life, ils savent très bien de quoi je peux parler. Tous ces malheurs sont incompréhensibles, et comment des parents comme cela peuvent réussir à indigne élever un enfant dans ces conditions là. Quand il allait à l'école, c'est l'impression d'aller en prison, de savoir que sa journée allait comme d'habitude être cachée, d'être traité, se faire tabasser comme un chien alors que c'était quelqu'un d'innocent. Tout seul dans son coin, c'était sa seule raison. Il vous laisse vers des amis, mais tous, à chaque fois, le rejeter. Pourquoi cet injure à cet enfant? Je vous le dis, ça a été terrible, tous les jours les mêmes blèmes. Entre la famille et l'école, cet enfant vivait dans le malheur, entre les coups donnés par ses parents et celles des écoliers. Comment voulez-vous qu'il réagisse? Cela dura jusqu'à la quatrième, alors que Dieu, sous son âme, lui avait déposé le courage de ne jamais renoncer, et de garder espoir et d'affronter ses malheurs. Le gamin n'hésita pas une seule seconde, que ça doit être bon de se faire respecter. Petit à petit il s'est imposé, et dans le fond de sa classe tout le monde l'adorait. C'est l'histoire d'un enfant qui n'a pas eu de chance, entre le foyer et sa famille il a vécu dans la malchance. Puis la chance lui a souri, venu droit des mains de Dieu. Il a su trouver des amis qui maintenant lui font confiance. Ça lui fait plaisir pour son prochain avenir. Et durant son enfance ça a été difficile. Imagine un peu des gosses qui vendent leur corps et qui s'inclinent en esclavage dans ce monde. Ou hey, imagine dans ce monde des gosses atteints de maladies entre la vie et la mort. Ceux qui se font violer par approche, ou les enfants d'Adas qui ont un temps d'espoir de retrouver les droits chemins des droits de l'homme. Ceux qui sont transformés en soldats de guerre. Liberté, égalité et fraternité, trois mots qui ne s'appliquent pas assez dans les cités, et qui doivent se montrer physiques dans le monde. Alors maman, papa et cher enfant du mal à joie, bientôt nous nous réveillerons et comme des petits volcans nous dormions. Mais le jour reviendra où ils verront sur ton chemin. Maman, papa, je te le redis encore, vous avez agi dans l'ignorance mais aussi dans l'innocence. Mais mon avenir dépend du vôtre, un avenir sans lendemain. Dans la vie, choisis ta destinée et prends ton avenir en main, car tout le monde n'a pas cette chance. Ouais frangin, car tout le monde n'a pas cette chance. De tout mon amour, je donne tous les jours, de tous les enfants du monde, donnez votre amour à Virgile, c'est pour la life. Yeah frangin, dans la vie, choisis ta destinée et prends ton avenir en main, car tout le monde n'a pas cette chance. Ouais frangin, car tout le monde n'a pas cette chance. Yeah. De tout mon amour, j'en donne tous les jours, de tous les enfants du monde, donnez votre amour et Virgile, c'est pour la vie. Yeah. Frangin, pour tous les enfants de la DAS.